les enfants. J'entends souvent parler de l'homme pour sa supériorité. Rien le rend-il si lâche, en somme, si sot que la paternité ? En vérité, je me demande, quand je constate les tourments, qu'il faut toujours qu'on en attende, à quoi ça sert-il, les enfants ? On les adore. Pourquoi faire ? Et l'on se voue à leur bonheur. À quoi bon se river sur terre, un boulet de gaieté de cœur ? C'est le trouble, l'inquiétude, un tracas de tous les instants. Tout sans espoir de gratitude. À quoi ça sert-il, les enfants ? Et l'on subit le magnétisme qui vous plie à ce tout petit. Est-ce orgueil ou bien égoïsme ? Devant son œuvre, on s'aplatit. L'homme est fier de sa créature, s'en fait l'esclave en même temps, et c'est la loi de la nature. À quoi ça sert-il, les enfants ? Ah, je comprends vraiment la bête, insouciante à ses petits, qui, le temps qu'il faut, les allaite, puis part sans l'ombre de soucis. Voilà des instincts admirables, à l'appui de nos arguments, que les bêtes sont raisonnables. À quoi ça sert-il, les enfants ? Puis, se séparant dans la vie, la bête va de son côté, libre au gré de sa fantaisie, ignorant sa postérité. Les petits peuvent bien se dire « ça ne sert à rien, les parents », mais chacun vit comme il le désire. À quoi ça sert-il, les enfants ? Oh, toi qui parles de la sorte, matérialiste enragé, toi, beau parleur, toi, tête forte, je voudrais te voir fustigé. Non, tu n'as jamais été père pour tenir ces raisonnements. En se disant, es-tu sincère ? À quoi ça sert-il, les enfants ? Mais ce sont eux qui font ta vie. Mais ils font ta chair, ils sont toi. Et tout leur être s'associe à ton être qui fait leur loi. Puis, lorsque les destins te tuent, tu revis dans tes descendants, car tes enfants te perpétuent. C'est à qui servent les enfants ? Mais tu n'as donc plus souvenance que tu fus jeune, toi, comme eux, et qu'on fit fête à ta naissance, à toi qui fais le dédaigneux ? Peux-tu blasphémer ta jeunesse ? Heureux pour toi que tes parents n'aient pas dit avec ta sagesse, à quoi ça sert-il les enfants ? D'ailleurs, toute parole est vaine. Preuve que la maternité est une chose bien humaine, c'est qu'elle a toujours existé. Que serait la machine ronde avec tes beaux raisonnements ? L'enfant régénère le monde, c'est à quoi servent les enfants ? Et c'est partout dans l'existence, tu retrouves à chaque pas cette bienheureuse influence qu'exercent tous ces petits gars. Toi, quand le trouble est au ménage, qui fait cesser les différends ? L'enfant qui chasse le nuage, c'est à quoi servent les enfants ? Toi, lorsque le chagrin te ronge, que la défaillance te prend, souvent tu vois la mort en songe, tu veux en finir lâchement. Qui t'arrête ? L'enfant que t'y entre. Lorsque l'on a des garnements, cela vous met du cœur au ventre. C'est à quoi servent les enfants ? Toi, le philosophe, l'athée, le libre penseur, l'esprit fort, toi qui d'une âme dégoûtée méprise Dieu, la foi, la mort, l'enfant pourtant, voilà ta fibre qui fait tomber tes arguments, et grâce à lui, ta corde vibre, c'est à quoi servent les enfants. Toi qui regardes la frontière, le pays que l'on a perdu, si dans ton sein ton cœur se serre, dis, comment te consoles-tu ? Nous aurons la deuxième manche. Espères-tu, chacun son temps. L'enfant est là pour la revanche. C'est à quoi servent les enfants. Oh, toi qui n'aimes pas l'enfance, attends que tu sois père un jour. C'est là, malgré ton arrogance, que l'on te tiendra par l'amour. Et va, c'est plus fort que nous-mêmes. Père un seul de ces innocents, et tu verras si tu les aimes et si cela sert les enfants. »